Vous êtes à l'écoute du territoire. Archipel égéen, jeté là pour animer l'effrayante solitude du golfe. Ainsi sont apparues les îles de la Madeleine aux frères Marie-Victorin. Le botaniste autodidacte et auteur de la Flore Laurentienne confie dans ses carnets de voyage avoir eu l'âme prise tout entière par les falaises d'un rouge lumineux, les collines d'un vert intense, les immenses lagunes tranquilles et ensablées, les horizons d'eau et de sable qui forme la perle du golfe Saint-Laurent. Les îles de la Madeleine sont vouées irrémédiablement à la destruction totale, écrivait déjà en 1921 le frère Marie-Victorin. Par cette formule brutale et sans appel, il constatait la vulnérabilité des beautés de l'archipel et mettait en lumière la menace existentielle que représente l'érosion côtière. Je suis Renaud Chicoine McKenzie et cette semaine, à CISM 89.3, le MIRIC, l'allié des dunes. Pour lutter contre l'érosion côtière qui s'accélère chaque année, le MIRIC des îles, un petit arbuste indigène et méconnu, pourrait jouer un rôle plus grand que nature. C'est l'espoir qui anime le madelinot et herboriste Yves Leblanc, plus de 100 ans après les funestes prédictions du frère Marie-Victorin. Un reportage de Paul Fontaine. Une maison jaune, aussi massive qu'ancestrale, se dresse à la sortie du village. Elle semble avoir émergé du sol, il y a de cela des décennies, à la manière des vieux saules qui en ornent les alentours. Ici et là, de riches bosquets de rosiers et d'ostas ceinturent de modestes pessières, d'humbles plantations d'épinettes noires. Le terrain, marqué d'un léger dénivelé menant jusqu'à la maison, est parsemé de lupins et de verges d'or. Rentrez, ça me fait plaisir de vous accueillir. On a apporté notre petit... Cette demeure bucolique, ce petit coin de paradis boisé situé à Fatima aux îles de la Madeleine, c'est celui d'Yves Leblanc et de sa famille. Yves est un herboriste. Son tablier beige soigneusement noué, son sourire lumineux comme un mois d'août, sa poignée de main chaleureuse accueille les visiteurs dans la petite boutique attenante à sa maison jaune. Avec sa compagne, Nancy, il dirige l'entreprise Quatrefeuilles et toute l'année, il cultive, récolte et distille des plantes pour en faire des huiles essentielles. C'est une question après ça. Ben, nous, c'est qu'on fait nos huiles, puis après ça, on fait les produits avec. Selon les propriétés qu'on cherche, c'est comme là, ben... Ce qui distingue Yves des autres herboristes et ce qui nous avait convaincus de nous rendre aux îles pour le rencontrer chez lui, dans sa maison jaune à Fatima, ce qui nous avait convaincus de traverser par la terre et par la mer les 1400 kilomètres qui séparent l'archipel de la métropole, ce qui distingue, en somme, Yves des autres herboristes, c'est sa passion pour un petit arbuste indigène, mais pratiquement inconnu des madelinots, le MIRIC. Ben, nous, c'est comme ça qu'on a... Parce que quand on a parti l'entreprise, il y en a quand même beaucoup, même assez, que je me disais, c'est un marché qui est quand même, je dirais pas saturé, là, mais il y en a beaucoup qui font leurs produits, il y en a beaucoup qui ont leur petite boutique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer de tout ça, là? Parce que, bon, c'est beau, OK, au niveau touristique, qu'on a du monde l'été, mais ils ne viendront pas acheter ce qu'ils peuvent acheter à Montréal ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer? Bon, d'abord, j'ai eu le MIRIC des îles qui était complètement unique. Ça a été un élément intéressant. Mais après ça aussi... Car ici, sur cet archipel de sable blanc et de grès rouge, ici, en ces îles qui subissent plus fortement chaque année les ravages de l'érosion côtière, le MIRIC pourrait bien être un allié insoupçonné pour lutter contre ce fléau qui altère les dunes et les falaises, qui redessine les cartes maritimes et qui met en péril routes et habitations. Morella pennsylvanica, le myrique de Pennsylvanie, est une espèce relativement commune sur la côte est américaine. Les arbrisseaux de 3 à 4 mètres de haut, parés de feuilles d'un vert profond et de minuscules fruits cireux, garnissent un territoire s'étirant de la Virginie jusqu'aux provinces maritimes. Mais un amateur botaniste qui se rendrait aux îles pour y ajouter le myrique à son herbier doit s'attendre à y trouver une espèce différente. Car ici, en ces terres insulaires, les spécimens n'ont rien à voir avec leurs cousins continentaux. Ce qui est vraiment particulier, c'est que celui des îles est complètement unique. Puis, je vais te démontrer tout à l'heure, tu me le feras penser, j'ai même un document écrit qui confirme que le myrique des îles est complètement unique. Le myrique des îles, comme se plaît à le nommer Yves, mesure tout ou plus un mètre de haut, et ses baies sont nettement moins cireuses que celles du myrique continental. Pour l'observer, on devrait arpenter les dunes de sable ou scruter de haut et de loin les périlleuses falaises de grès rouge, car ce sont en ces terreaux inhospitaliers que s'enracine le myrique des îles. Sur les dunes comme ça, il s'installe sur les falaises comme ça. Le rôle du myrique, il arrive dans des endroits où il n'y a rien. C'est vraiment une terre qui a été brisée par l'érosion ou par l'humain aussi. C'est le premier qui s'installe là. On remarquera assurément que les berges où s'est installé le myrique sont nettement moins affectées par l'usure continuelle des vagues et les violentes destructions des tempêtes maritimes. D'abord, le myrique, souvent, va pousser directement sur les falaises. La falaise, là, c'est du grès rouge. Elle a comme deux niveaux. Ce qui est dans la mer est assez protégé. Parce que la mer frappe ça, c'est humide, puis bon, c'est quand même assez solide. Si tu montes un peu, puis qu'il n'y a pas de mer qui va là, c'est du sable. Ben, c'est du sable. C'est pas du sable, mais c'est très friable. Ben, là, avec ton doigt, puis tu peux tout creuser, tu peux te faire des trous là-dedans si tu veux. Que les hirondelles font leur nid là, les hirondelles de rivage. Parce que c'est mou. OK? Mais, donc c'est pour ça que le myrique, je trouve qu'il serait intéressant, même sur les falaises, parce que, justement, il garde l'humidité, puis ça fait une certaine protection. Donc, c'est sûr que c'est... Le couvert végétal formé par les talus de myrique amortit non seulement la puissance des vents et des tempêtes qui viennent s'écraser sur les falaises de grès, mais ses racines stabilisent aussi les berges. Elles conservent d'une part l'humidité au sol, s'assurant ainsi que le grès soit compact, et d'autre part, elles agissent comme une armature qui solidifie les pentes, de la même manière que des tiges de métal renforcissent un ouvrage de béton. Les racines du myrique participent également à un autre processus, celui de la fixation de l'azote. Le myrique, lui, s'installe, il amène l'azote au sol où ce qu'il est, on est même dans plein sable, puis à partir de là, il commence déjà à travailler pour construire un sol, pour qu'il prépare le terrain pour d'autres choses, pour d'autres plantes. Quoique le myrique n'apporte pas lui-même l'azote au sol, ses racines accueillent différentes bactéries qui, elles, s'assurent de transformer l'azote atmosphérique en ammoniac, puis en nitrite, et finalement en nitrate, un élément essentiel à toute forme de vie végétale et animale. C'est pourquoi le myrique parvient à s'installer dans les terrains pauvres et dépourvus de ses nutriments, tels que sont les dunes de sable et les falaises de grès. À sa manière, le myrique héberge dans ses racines des milliers de petites ouvrières unicellulaires qui s'affairent à enrichir le sol. Et aussi, il perd ses feuilles. Puis c'est vraiment qu'ils sont très denses. Fait que les feuilles restent au pied. Même aux îles, même s'ils ventent, les feuilles restent là, puis même il y a d'autres feuilles qui s'ajoutent. Ça fait que ça finit par faire un compost, puis ensuite il pousse autre chose. En effet, les terrains sablonneux où pousse le myrique sont recouverts d'une couche de compost. Une couche suffisamment épaisse pour qu'y croissent des herbes hautes, du genévrier ou encore, à certains endroits, des épinettes noires. Alors que si vous allez dans les dunes plus semi-fixes, comme les plateaux, c'est comme mettons après Havre-Maison, là vous allez voir. Que là, si vous allez voir là-dedans, là, du myrique, il y en a partout. Puis lui, ben là, il a contribué à. C'est pas comme vraiment le bord de plage, là. Ben là, lui, il a contribué à ce que c'est que la dune se construise. Puis que là, il y a des épinettes maintenant qui poussent, il y a des pins qui poussent, il y a différentes choses qui ont poussé là, parce que le terrain a été préparé. À la base, c'était du sable, là. Avant de quitter les îles de la Madeleine, un amateur botaniste qui serait venu sur l'archipel pour ajouter le myrique à son herbier personnel aura pris le soin d'écrire dans son carnet de voyage que le myrique est un protecteur et un constructeur des berges, un allié des dunes. Mais en marge de ses notes et de ses observations, il ajoutera probablement, avec toute sa rigueur et son scepticisme scientifique, la réflexion suivante : le mérique fait-il le poids face aux ouragans ? Quand on vit sur une île, écrit le poète madelino George Langford, quand on vit sur une île, la mer nous rappelle sans relâche que chaque pointe de terre peut tenir lieu de continent, et les morceaux de terre, comme les jours, sont comptés. Et ceux des îles de la Madeleine sont de plus en plus comptés. Depuis 2005, les berges de l'archipel ont reculé de 8,5 mètres selon les données recueillies par une équipe de recherche de l'Université du Québec à Rimouski. À chaque année, donc, c'est près d'un demi-mètre de rivage qui prend le large. Et d'ici 10 ans, les scientifiques prévoient que l'érosion s'accélérera et pourrait atteindre le seuil de 0,7 mètre de recul par an. C'est une histoire vieille comme le monde, écrit George Langford. La mer et le vent qui creusent des grottes en sifflant. Parfois, surviennent des tempêtes dont le sifflement est terrible. L'ouragan Fiona, qui a frappé les provinces maritimes et les îles de la Madeleine le 24 septembre dernier, ou encore l'ouragan Dorian, qui passait là en septembre 2019, ont tous deux ravagé les côtes et provoqué d'importantes inondations. En dépit de leur multiplication due au changement climatique, ces événements catastrophiques ne sont pas les uniques responsables de l'érosion qui menace l'archipel, comme le souligne Étienne Piché. L'hiver, pas besoin d'un ouragan. L'hiver, si on a du vent soutenu, comme c'est le cas aux îles, bien, c'est sûr que ça gruge les dunes, les falaises en grès rouge, c'est des matériels assez friables. Étienne est un ingénieur et un chargé de projet au MANAAQ. Le MANAAQ, c'est le module des aléas naturels et de l'adaptation au changement climatique. Une équipe créée récemment, en 2021, par le ministère des Transports du Québec, afin de protéger la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine contre l'érosion et la submersion. Étienne, donc, mentionne que plusieurs facteurs expliquent l'accélération de l'érosion, dont notamment la perte du couvert de glace dû au réchauffement climatique. Le couvert de glace est moins long au Québec, donc si ça prend plus de temps avant que ça gèle, ben là, ça gèle peut-être plus février-mars, ou des fois pas du tout, ou pas assez pour faire une banquise qui protège vraiment. Ben là, à ce moment-là, toutes les tempêtes de vent qui se transforment en tempêtes de vagues, ben, ils viennent directement toucher la côte. Donc, ça accélère un peu l'érosion. Selon une vaste étude menée en 2019 par le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'Université du Québec à Rimouski, la période d'englacement des berges pourrait s'écourter d'un à deux mois par année d'ici 2070. Cela représente une réduction de la période d'englacement de l'ordre de 20 à 60% comparativement à la moyenne des 50 dernières années. Les berges, pratiquement dénuées de glace, seraient davantage exposées aux intempéries hivernales. Ce fut notamment le cas en 2010 et en 2011, années durant lesquelles il ne s'est formé aucune glace sur le fleuve Saint-Laurent, un phénomène rarissime, mais appelé à survenir plus souvent. Que ce soit les simulations numériques ou les observations scientifiques, tout indique que l'érosion s'accélère. Étienne Piché note d'ailleurs que de plus en plus de projets sont mis en branle pour contrer l'érosion, signe selon lui que celle-ci s'accroît. C'est sûr que le nombre de travaux et d'investissements qui se font, mettons, aux îles, depuis, peu importe le municipal ou provincial, c'est en augmentation. Fait qu'il y a des besoins en augmentation. Je veux pas. Je crois qu'on peut affirmer là, qu'il y a vraiment une hausse là, des phénomènes d'érosion, en tout cas sur l'archipel, ça c'est sûr. Les travaux et investissements dont Étienne parle nécessiteront au bas mot des dizaines de millions de dollars. Pour le ministère des Transports seulement, trois projets pour contrer l'érosion coûteraient à eux seuls 50 millions de dollars. Et c'est sans compter les 32 millions déboursés depuis 2018 par le ministère, ni les autres chantiers entamés par la municipalité. Ces mégaprojets sont principalement des enrochements ou des recharges de plages, c'est-à-dire des dépôts de pierres ou de sable installés au pied des falaises pour briser la force des vagues. C'est en quelque sorte le rôle que joue le couvert de glace durant l'hiver. Mais ces interventions, aussi nécessaires qu'urgentes, altèrent la dynamique naturelle des dunes. Le cordon dunaire aux îles, quand on regarde, mettons, un Google Earth, quand on fait un time-lapse, on voit que ça bouge. Mais dès qu'on met une structure rigide, qui est un enrochement ou une route, on empêche le mécanisme naturel. Puis c'est là que l'érosion accélère parce qu'en fait, on perd carrément les sédiments au lieu qu'ils migrent, qu'ils bougent. C'est pourquoi certaines initiatives, moins massives et moins perturbatrices de l'environnement, sont mises à l'essai. Sinon, il y a d'autres structures aussi qui peuvent aider un peu ce phénomène-là. Tu sais, quand on rajoute du sable, on ne veut pas qu'il reparte tout de suite. Fait qu'on peut mettre des obstacles puis travailler avec les courants puis les dérives. On peut alors, à ce moment-là, utiliser des épis, qui est comme un long cordon rocheux ou en géotube, là, un sac de géomembrane. Puis l'objectif, c'est d'être un obstacle au sable. Fait que s'il y a une vague qui prend un grain de sable, bien, s'il y a un obstacle à cette vague-là qui repart avec le grain de sable, ben alors le grain de sable, il précipite, on peut dire, il coule au fond, puis il reste sur place. Fait que ça retient une certaine proportion du sable. Ça ne peut pas retenir 100%. Étienne mentionne également les projets d'attention fragile, un organisme à but non lucratif voué à la protection de l'archipel. Par exemple, des cages de homards désuètes et des clôtures de bois sont installées sur les dunes afin de capter le sable, permettant ainsi de rebâtir les dunes. Attention fragile sème aussi de l'amophile, connu sous le nom de foin des dunes. Cette herbe, haute et souple, résiste au fort vent tout en solidifiant les sols sablonneux grâce à son vaste réseau racinaire. C'est ce type d'intervention, à la fois souple, abordable et inspiré des processus naturels, qui font dire à Yves Leblanc que le Miric, qu'il affectionne tout particulièrement, pourrait lui aussi prendre part à la lutte contre l'érosion. Au niveau de l'huile essentielle, il faut que vous fassiez sentir l'huile essentielle. Ça n'est pas trop proche, mais quand même. C'est bon, hein? C'est différent de tout ce que je connais. Okay? C'est pas. Okay? Un peu de boisé, mais pas trop. Je dirais même citronné un peu. Donc, c'est doux. C'est très doux comme huile essentielle. C'est pas. Moi, je fais beaucoup d'épinette noire. C'est pas la même dynamique. Là. Pour moi, c'est ma favorite en huile. C'est une question d'odeur. On s'habitue, puis c'est pas. Yves agressif. Leblanc est possiblement la personne qui connaît le mieux le Miric. Il a bien sûr étudié son potentiel pour lutter contre l'érosion, mais il a aussi étudié son parfum, ses propriétés thérapeutiques et les particularités de sa culture. Dès les années 1980, l'étudiant universitaire qu'il était s'intéressait déjà au Miric et avait lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet. Ben moi, ça, j'avais acheté la collection de Fleurbecque. Quand j'ai fait mon bac à l'université, j'avais acheté la collection de Fleurbecque à l'époque. Puis là, je savais que le mérique de Pennsylvanie, qu'il n'y en avait pas ailleurs au Québec. C'était clairement écrit. Puis ensuite, je savais que c'était du laurier sauvage. Je savais, bon, puis j'adorais la plante. Ça veut dire qu'il y a à peu près 35 ans de ça. Il n'en demeure pas moins que le mérique était une plante relativement peu connue, autant des botanistes que des madelinots. En extraire l'huile essentielle, puis la commercialiser, représentait donc tout un chemin de croix, à commencer par l'homologation officielle de la plante auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ça fait longtemps que le Miric aux îles, c'était pas connu du tout, du tout. Je suis arrivé au MAPAC, puis ils m'ont dit, écoute, t'es le premier qui travaille ça et tout ça. Plus ça avance. Yves a donc fait analyser par le laboratoire Phytochemia un échantillon des trois gouttes d'huile essentielle qu'il était parvenu à distiller lors de ses premières expérimentations. Il désirait avant tout évaluer la toxicité du produit et identifier des propriétés thérapeutiques ou médicinales. Moi, quand quand il m'a appelé pour me dire que dans l'huile essentielle du Mérique des îles, qu'ils avaient trouvé un petit peu d'éther, une variété d'éther qui n'avait jamais été répertoriée dans le monde, ben, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai dit à ma blonde, il fermait le téléphone, il a dit, ben, ils ont trouvé une variété d'éther, puis il faut qu'il la nomme. Il va lui donner un nom. Mais il l'avait appelée Madeleine Éther, en l'honneur des îles de Madeleine. Écoute, là, c'était plus... C'était des frissons sur la peau. Là, écoute, ils ont dit, on l'a appelé comme ça, l'honneur des îles, parce que finalement, c'est la seule place où ce que le Mérique contient d'éther, Madeleine. Et c'est cet éther-là qui est très cicatrisant, très anti-inflammatoire. Ce que le flair de l'herboriste avait conjecturé, à savoir que le Mérique des îles est une espèce à part entière et différente du Mérique de Pennsylvanie, était maintenant confirmé par la découverte de l'éther Madeleine. Les propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires de cette huile essentielle ont convaincu Yves de la commercialiser. Sa petite production artisanale, qui ne dépasse jamais les 500 ml par année, a charmé par son pittoresque ceux et celles qui s'arrêtent à sa boutique. Certains ont fini par développer un attachement à cet arbuste indigène. Puis bon, on a commencé à créer la communauté du Mérique. Étant donné qu'on le cultivait, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé voir s'ils pouvaient avoir des plants. Fait qu'on a dit oui, on va aller à l'adoption. Les gens peuvent adopter un petit Mérique, comme il n'y en a pas ailleurs au Québec. Mais en même temps, on est en train de vérifier sa capacité de s'adapter ailleurs aussi. Donc les gens les adoptent. Puis là, j'en ai à peu près 150 entre Port-Cartier et à peu près Gatineau, même un petit peu en Ontario. Okay. Donc là, les gens amènent leurs plants, puis là, ben, ils font leur expérience avec. Puis là, ben, ils nous réécrivent sur Facebook pour nous dire où est-ce que c'est qu'ils sont rendus avec leur petit Mérique. La communauté du Mérique bâtit un lien social et humain qui s'étend sur l'ensemble du territoire québécois. Une collectivité tout entière fondée sur la culture et l'étude du Mérique. Même si des dizaines d'horticulteurs amateurs cultivent leur petit Mérique, la plus grande plantation est assurément celle d'Yves. Là, c'est une petite pouponnière qui est encore en construction. La serre va se refaire au printemps prochain. Ça, c'est tous les petits mériques, là. Tu regardes, là, ah, ils sont là. Ben, ouais. Ils sont ici surtout, là. Les autres sont transplantés, là. Il y en a combien à peu près en ce moment? J'en ai à peu près, je dirais 2000 en tout, là. À peu près, là. Là, ceux-là qu'on tue là-bas, c'est des vrais bébés. On les a partis au printemps. Et là, c'est ça, là, on est en train de les tester, voir qu'une couche froide, le résultat est quand même assez intéressant. Donc, on est là-dedans. Là, écoute, on s'amuse. Si Yves cultive autant de plants, ce n'est pas uniquement pour en faire la distillation et la commercialisation de l'huile essentielle. En fait, lorsqu'arrivé à maturité, les mériques d'Yves seront transplantés à flanc de falaise ou sur des dunes de sable afin de freiner l'érosion des berges. Par ces gestes, il espère protéger et reconstruire des terrains malmenés. Cette volonté de revégétaliser les terres vierges ne date pas d'hier, à commencer par son propre terrain, celui qui est aujourd'hui parsemé de saules et d'épinettes noires, de rosiers et d'ostas, de myriques et de verges d'or, son propre terrain à lui qui, il y a à peine 40 ans, était complètement déboisé. Ben, les premiers qui sont arrivés sur la terre, c'est mes ancêtres, en fait, puis je les ai connus. Je vous montrerai les photos en dedans. Et eux autres, ben, c'était boisé, mais ils ont tout déboisé pour chauffer, okay. Puis faire des clôtures. Puis de toute façon, ils déboisaient aussi pour faire de l'agriculture. Et avec le temps, ben, à un moment donné, même souvent, moi, j'entendais, les gens disaient, dans cette génération-là, il va falloir se préparer à l'ailleurs parce qu'il n'y aura pas assez de bois pour les prochaines générations. C'est clair, là. Lui, avec tout déboisé. Là. Yves nous présente des photos d'archives sur lesquelles on reconnaît ses aïeuls et sa maison jaune ancestrale. Eux, c'est les premiers qui sont arrivés sur la terre ici. William et Teresa, je les ai connus tous les deux. On parle de comme quelle année, ça? 1900, ils sont arrivés ici au début des années 1900. Lui est décédé à 96 ans, je pense. J'avais 6 ans quand il est décédé. Un petit peu avant, pas beaucoup avant. Je les ai connus tous les deux. Ensuite, ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père... Elle, c'est leur fille. Fait que mon grand-père, il a connu ma grand-mère, puis il est venu s'installer avec eux. Mm. Elle, c'est ma mère. Puis mon grand-père, il a construit cette maison ici en 1955, puis elle a encore debout. C'est le cas de la maison, c'est la partie principale de la maison. Mm. Puis ensuite, ben, mon père était dans la vingtaine, lui, il est venu travailler sur la maison. Il a connu ma mère, puis il est venu s'installer lui ici aussi. Fait que moi, j'ai connu, en fait, on était 4 générations dans la même maison. Puis là, sa maison, c'est 184. Regarde, tu vois-tu, là, il n'y a rien. C'est complètement... Sur ces mêmes photos, on distingue une terre dénuée d'arbres, où seul le foin et l'herbe en composaient le tapis. Un contraste frappant et étonnant avec l'état actuel de ce même terrain. Les photos, il n'y avait rien, pas d'arbres du tout. Puis on les a plantés. On a commencé à planter 85, la municipalité a commencé à donner des arbres, puis là, nous, on en a, moi et mon père, on en a cherché tout le temps. Puis on en plantait au printemps. En une quarantaine d'années, le labeur soutenu d'Yves a transformé du tout au tout ce lopin de terre. Puis on a tout à planter, c'est pas compliqué. À chaque année? Ouais, bon, ouais, moi, ma thérapie, c'était 200-300 arbres, là. Ça, c'était à chaque printemps. J'aimais bien ça. Puis Alexis a une petite pelle, le gars que tu as rencontré tout à l'heure, ouais. Avec une petite pelle, il nous donne un coup de main à planter. Là. Fait que c'est pas... Alexis, c'est le fils d'Yves, et il prend lui aussi part à Quatre Feuilles, l'entreprise familiale. L'un de ses projets est d'inscrire le Miric dans des programmes de captation du carbone. Puis que je trouve qu'il serait une belle vision que de Quatre Feuilles. Ce qu'on veut aller, c'est utiliser ces plantes-là à leur plein potentiel pour protéger contre l'érosion, puis en protégeant pour l'érosion. Puis vu que c'est du développement durable vert, en plus, on va chercher pour les crédits carbone. Ainsi, les myriques cultivés par Yves et transplantés sur les falaises de grès pour lutter contre l'érosion pourraient être en partie financés par des touristes désirant atténuer l'empreinte carbone de leur voyage sur l'archipel. Le touriste qui viendraient aux îles pourraient, faire un voyage plus vert pour compenser pour le carbone qu'il a utilisé durant son transport, mais en même temps, il aide à la protection contre l'érosion. Ça veut dire qu'il aide à préserver l'archipel dans la forme qu'elle est, en plus de faire un voyage vert. Fait que c'est, ça a comme une double utilité, c'est doublement gagnant là-dedans. Quoique ce projet n'en soit encore qu'à sa forme embryonnaire, les idées de grandeur qui animent Quatre Feuilles ont, au final, un objectif commun. Celui de valoriser une plante indigène et méconnue des Madelinots. Et pourtant, selon Yves, le Miric ressemble à s'y méprendre aux habitants de l'archipel. Je travaille pour que ça devienne l'emblème des îles, là, parce que je trouve qu'il y a des ressemblances marquantes. Là. Mais le Miric, comme tel, moi, ce que je trouve qu'il ressemble à un Madelino, ben, je m'amuse en disant que d'abord, il n'est pas pressé. Là. Si vous êtes venu aux îles, bon, vous savez que là, ici, ça... on dit qu'aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Le Miric, je trouve, c'est un peu ça. Je trouve qu'il n'est pas pressé au printemps. Tous les arbres sont en feuilles, c'est hallucinant. Puis lui, non, lui est encore en bourgeon, pas pressé. Comme un Madelino, pas pressé. Puis je dis aussi en m'amusant que si vous l'invitez d'un party, ben probablement qu'il va être le dernier à partir. Comme le Miric, à l'automne, tous les arbres ont perdu leurs feuilles, mais le Miric a encore plein de feuilles. Puis il a beaucoup de qualités aussi que j'aimerais que les Madelinos puissent avoir. Parce qu'entre autres, c'est un bâtisseur, okay? Il va bâtir un territoire, c'est une plante qui est très jolie. C'est une belle plante, très odorante, je trouve que c'est une fierté de plante. Donc c'est sûr que j'aimerais qu'il devienne l'emblème. Il faut la faire connaître d'abord, pour la faire respecter, puis je pense qu'on peut y arriver. C'était le Miric, l'allié des dunes. Un reportage de Paul Fontaine, produit avec l'assistance de moi-même, Renaud Chicoine-McKenzie. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Notre musique originale est composée par Hugo Mérand. Cette émission est co-réalisée par moi-même, Renaud Chicoine-McKenzie, et Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Renaud Chicoine-McKenzie et je vous donne rendez-vous samedi prochain 8h sur les ondes de CISM pour être de nouveau à l'écoute du territoire.